Il y avait au séminaire un maudit lazariste qui m'entreprit et qui me fit prendre en horreur le latin qu'il voulait m'enseigner. Il avait des cheveux plats, gras et noirs, un visage de pain d'épices, une voix de buffle, un regard de chat-huant, des crins de sanglier au lieu de barbe. Son sourire était sardonique. Ses membres jouaient comme les poulies d'un mannequin. J'ai oublié son odieux nom, mais sa figure effrayante et doucereuse m'est bien restée, et j'ai peine à me la rappeler sans frémir. Je crois le rencontrer encore dans les corridors, avançant gracieusement son crasseux bonnet carré pour me faire signe d'entrer dans sa chambre, plus affreuse pour moi qu'un cachot. Qu'on juge du contraste d'un pareil maître pour le disciple d'un abbé de cour. Si j'étais resté 2 mois à la merci de ce monstre, je suis persuadé que ma tête n'y aurait pas résisté. Mais le bon monsieur Gros, qui s'aperçut que j'étais triste, que je ne mangeais pas, que je maigrissais, devina le sujet de mon chagrin. Cela n'était pas difficile. Il m'ôta des griffes de ma bête, et par un autre contraste encore plus marqué, me remit au plus doux des hommes. C'était un jeune abbé, faux ignorant, appelé M. Gatier, qui faisait son séminaire, et qui, par complaisance pour M. Gros, et je crois par humanité, voulut bien prendre sur ses études le temps qu'il donnait à diriger les miennes. Je n'ai jamais vu de physionomie plus touchante que celle de M. Gatier. Il était blond, et sa barbe tirait sur le roux. Il avait le maintien ordinaire aux gens de sa province, qui, sous une figure épaisse, cachent tous beaucoup d'esprit. Mais ce qui se marquait vraiment en lui était une âme sensible, affectueuse, aimante. Il y avait dans ses grands yeux bleus un mélange de douceur, de tendresse et de tristesse qui faisait qu'on ne pouvait le voir sans s'intéresser à lui. Au regard, au ton de ce pauvre jeune homme, on eût dit qu'il prévoyait sa destinée et qu'il se sentait né pour être malheureux. Son caractère ne démentait point sa physionomie. Plein de patience et de complaisance, il semblait plutôt étudier avec moi que m'instruire. Il n'en fallait pas tant pour me le faire aimer. Son prédécesseur avait rendu cela très facile. Cependant, malgré tout le temps qu'il me donnait, malgré toute la bonne volonté que nous y mettions l'un et l'autre, et quoiqu'il s'y prît très bien, j'avançais peu en travaillant beaucoup. Il est singulier qu'avec assez de conception, je n'ai jamais rien pu apprendre avec des maîtres, excepté mon père et M. Lambertier. Le peu que je sais de plus, je l'appris seul, comme on verra si après. Mon esprit, impatient de toute espèce de joug, ne peut s'asservir à la loi du moment. La crainte même de ne pas apprendre m'empêche d'être attentif. De peur d'impatienter celui qui me parle, je feins d'entendre. Il va en avant, et je n'entends rien. Mon esprit veut marcher à son heure. Il ne peut se soumettre à celle d'autrui.